واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous sommes toujours dans la série de cours d'explication du livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam, comme si tu la voyais, du takbir au teslim, c'est-à-dire du début à la fin. On était arrivé au chapitre concernant les invocations du recours, de l'inclinaison. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit Adhkar al-ruku' wa kan yaqulu fi hadha al-rukni anwa'an min al-adhkar wal-ad'iyah taratan bi hadha wa taratan bi hadha subhana rabbil 'azim thalath marrat wa kan ahyanan yukarriruha akthar min dhalik. Et je vais demander aux gens qui sont sur Paltalk de confirmer qu'ils ont bien du son. Barakallahu fihim. Wa balagha marratan fi tikrariha fi salati al-layl hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamihi. Pour les frères qui ont la même édition que moi, ils changent le ta de ruku' par un ha, ruku'uhu. Hein? C'est une faute de frappe. Wa kana yaqra'u fihi thalath surah min at-tiwal. Thalath suwar min at-tiwal, vous corrigez ça aussi. البقرة والنساء وآل عمران يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. ثانيا سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا. ثالثا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رابعا أخرج البخاري ومسلم سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه عليكم السلام وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. خامسا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وفي رواية وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. Alors, pour les frères qui ont la même édition que moi, je voudrais qu'ils confirment pour la dernière doa, est-ce qu'ils ont numéro 7 ou 6 ? 7. Donc, il y a un numéro 6 qui manque ici. Ala kulli hal. Subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal azama wa hada qalahu fi salati al-layl. On va déjà traduire ce passage-là du matn de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit les invocations pendant l'inclinaison. Et on avait vu que c'était un pilier parmi les piliers de la prière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prononçait dans ce pilier différentes invocations et formules de rappel. Il en prononçait parfois certains et parfois d'autres. La première des formulations des invocations du recours et de l'inclinaison, c'est « Subhana Rabbi al-Azim » trois fois. « Gloire à mon Seigneur, le Très Grand » donc trois fois. Parfois, il le répétait plus que trois fois. Une fois dans la prière nocturne, il l'a tellement répété qu'il est resté alayhi salatu wassalam en inclination presque autant qu'il était resté debout. Alors qu'il y avait, il y avait récité trois sourates parmi les plus longues, ce qu'on appelle At-Tiwal. Lesquelles? C'était le Baqarah, la vache, An-Nisa, les femmes, et Ali Imran, la famille de Imran. En alternant avec des invocations et des demandes de pardon auprès d'Allah Azza wa Jal pendant sa récitation, comme nous l'avons vu dans le chapitre de la prière nocturne. Deuxième, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi, trois fois. Gloire à mon Seigneur, le Très Grand, et louange à lui, trois fois. Et c'est évidemment, chaque fois quand on traduit une invocation, c'est la traduction approximative du sens. Troisième formulation, Subbuhun quddusun rabbul malaikati wal ruh. Subbuhun quddusun, Seigneur des anges et du ruh. Et on va voir qu'est-ce que les savants disent au niveau du ruh, inshallah. Quatrième, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma ghfir li. Gloire à toi, ô Allah, et louange à toi, ô Allah, pardonne-moi. Il le répétait, alayhi salatu wassalam, de nombreuses fois, dans des invocations d'inclination et de prosternation. en appliquant ainsi le Coran. Yata'awwalu al-Qur'an. Cinquième. Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi. Et dans une autre version, 'idami, qui est le pluriel, wa 'asabi wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil 'alamin. Ô Allah, c'est pour toi que je me suis incliné, en toi que j'ai cru, c'est à toi que je me suis soumis. Tu es mon Seigneur, mon ouïe, ma vue, ma moelle et mes os, mes nerfs et tout ce que portent mes pieds se sont soumis avec humilité à toi. Allah, Seigneur des mondes. Sixième formulation. Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu. Et c'est cela qui manque dans le livre de Cheikh Bazmoul ici. Hein? D'accord ? Alayka tawakkaltu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa dammi wa lahmi wa 'azmi wa 'asabi lillahi rabbil alamin. Afwan khasha'a ya pala kaysi khasha'a sam'i wa basari wa dammi wa lahmi wa 'azmi wa 'asabi lillahi rabbil alamin. Traduction approximative de cette invocation. Ô Allah, c'est pour toi que je me suis incliné, en toi que j'ai cru. C'est à toi que je me suis soumis et à toi que je me suis remis. Tu es mon Seigneur, mon ouïe, ma vue, mon sang, ma chair, mes os et mes nerfs se sont soumis avec humilité à toi. Allah, Seigneur des mondes. Septième, et c'est celle qu'on a dans le livre de Cheikh Bazmoulak numéro 7, donc ça confirme bien, je pense qu'on a le numéro 6 manquant. Hein? سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. Gloire à Allah qui détient la toute-puissance, la royauté extrême, l'orgueil et la majesté. Il a dit ceci, alayhi salatu wassalam, dans la prière nocturne. Alors maintenant, dans l'explication de tout ce chapitre de Cheikh Mohamed ibn Omar Bazmoul, hafidhahullah ta'ala, et ça répond, ce chapitre, en tout cas, surtout à la fin, ça répond à une question qu'un frère m'a posée dans un des, ou après le dernier cours, qui est sur le fait de l'allongement du ruku'a. Dans l'allongement du ruku'a, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Puisque si on dit que trois fois, subhanallah rabbi al-azim, comment ça se fait que le ruku'a va long? Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on dit après avoir dit, par exemple, subhanallah rabbi al-azim trois fois? Eh bien, le cheikh, à la fin du cours, inshallah, il va répondre à cette question de manière très précise. Donc, comme j'ai dit, on a l'explication de cheikh Mohamed ibn Omar Bazmoul, qu'Allah le préserve, le récompense par le Firdaus al-A'la. Il nous dit, في هذا الفصل أذكر الركوع يعني ما يقوله المسلم في ركوعه ويلاحظ المسلم تنوع أذكار الركوع فهي بصيغ متعددة أورد المصنف رحمه الله ما يصح لديه من هذه الصيغ الواردة في أذكار الركوع وهي سبع صيغ. Il y a dans ce chapitre les invocations dans l'inclination, c'est-à-dire ce que dit le musulman dans son inclination, dans son ruku'. Le musulman remarquera la diversité des invocations dans l'inclination, car elles sont diverses formules. Et je vous rappelle la faïda que j'avais donnée, que Cheikh Raslan, hafidahullah, il avait donnée dans son cours sur la description de la prière du prophète, alayhi salatu wassalam, de manière résumée. Il a dit « Wa bitanawwi yahsulu al-khushu'u » C'est en diversifiant que tu as obtiens la quoi, le khushu'u. Je crois qu'en français, ils traduisent le khushu' en général par quoi? Par concentration. Donc on a dit que le musulman remarquera la diversité des invocations dans l'inclination, car elles sont diverses formules. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté ce qui est authentique pour lui. Cheikh Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah, c'est un muhaddith. Hier, justement, quand j'étais avec certains frères, on parlait du niveau de Cheikh al-Albani, rahimahullah, et la parole de Cheikh Rabi' vis-à-vis de Cheikh al-Albani, rahimahullah. Le degré que les chouyours comme Cheikh Ibn Baz, Al-Uthaymin et Cheikh Rabi' donnaient à Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Ils donnent toujours à Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc, ce qui est authentique pour lui de ses invocations rapportées dans l'inclination. Il y en a sept. Et ça, c'est important de se rappeler ça. C'est que c'est un pilier parmi les piliers de la prière, le ruku'. Fas-salatu takbiratu al-ihram wa qiyamun wa qira'atu al-fatiha. وركوعٌ ورفعٌ منه وسجودٌ والسلام. الصفة الأولى الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول المسلم سبحان ربي العظيم ومعنى سبحان التنزيه أي أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، معناه اجعلوا ذكر الركوع ما يكون فيه تعظيم الرب. وأفضل الصيغ في تعظيم الرب سبحانه وتعالى ما كان صلى الله عليه وسلم يقوله في الركوع من قوله: سبحان ربي العظيم. وجاء تخرج ce passage là ان شاء الله. Donc on a dit qu'il en avait 7. Cette formulation de formule de rappel dans l'inclinaison, dans le ruku'. L'inclination est l'un des piliers de la prière. Car la prière est faite de quoi? On a dit takbirat l'ihram. On avait vu pourquoi au tout début de ce cours, ça remonte à très longtemps, plus d'un an maintenant. C'est quoi takbirat l'ihram? Eh bien, c'est le premier takbir. Quand on dit Allahu Akbar au début de la prière, et c'est avec ce takbir qu'on rentre dans la prière. Et pourquoi est-ce qu'on appelle takbirat l'ihram? Tout simplement parce que ça rend haram, illicite, des choses qui étaient licites avant la prière. Comme par exemple, donnez-moi un exemple, manger, un autre exemple, parler, etc. D'accord? Et c'est pour ça qu'on appelle teslim comment? Barak l'ahsan, tahliluha at-teslim. Ce qui rend licite, si vous voulez, ce qui était licite avant, eh bien c'est le teslim. Pourquoi? Parce que le teslim, tu sors de la prière, de l'état de prière. On a dit takbirat l'ihram, on a déjà expliqué ce que c'était. La position debout qu'on appelle qiyam. Qira'atul fatiha, la lecture de la fatiha, qui est un pilier d'ailleurs aussi. L'inclination, le recours, le relèvement de l'inclination, qui est aussi un pilier, raf'a min al-ruku', la prosternation, as-sujoud, et la salutation, qu'on appelle le teslim. Alors il dit, Cheikh Bazmoul Hafidahullah, la première formulation rapportée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Subhana Rabbi al-Azim. Le sens de Subhana est, ici je voudrais attirer votre attention, qu'il est très difficile de traduire ce genre de notion en français. Ce qu'on fait, c'est qu'on rapproche le sens. Eh bien, c'est At-Tanzih. Le tesbih, c'est At-Tanzih, c'est-à-dire j'exempte Allah de tout défaut et de toute diminution, de toute imperfection, de toute déficience. Tandis que la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant l'inclination, glorifie Allah. Wa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Le sens de cela est faites que vos formules de rappel, vos adhkar dans le ruku', dans l'inclination, soit une glorification du Seigneur. Alors maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui va se poser la question, qui va dire, mais c'est quoi la meilleure manière justement de glorifier le Seigneur? Mais cher, il répond ici, il dit, la meilleure formule pour glorifier le Seigneur, est ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait dans l'inclination, dans le ruku', gloire à mon Seigneur le très grand. Subhan Rabbiya al-Azim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le répétait 3 fois. C'est pour ça qu'on a dit thalathan. Ay yaquluha thalathan. Ensuite, Cheikh Bazmoul hafidhahullah ta'ala, il continue et il dit: "Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yukarriru qawluhu subhana rabbil azim 3 marrat comme on vient de le voir. Wa fi ba'd al-ahyan kana alayhi salatu wassalam yazidu 'an al-thalatha ay yukarriruha 5" أو سبعا أو أكثر من ذلك يدل على هذا أنه ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل الركوع حتى يكون قريبا من القيام فدل ذلك أنه كان يكرر هذه اللفظة أكثر من 3 مرات في الركوع. Ici dans la version française, qui est une excellente version du livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui est édité par qui avait été traduite par Yaqub Lennon, il dit que autant que dans le qiyam. Je ne sais pas s'il a une autre version en arabe. Moi, la version que j'ai en arabe, c'est proche du qiyam. D'accord? Proche du qiyam. Écoutez ce qu'il dit ici. Qariban min al-qiyam. Quand vous retournez au mat, si vous tournez la page en arrière ici, comme cela, qu'est-ce qu'on voit ici? Vous le situez? وَبَالَغَ مَرَّةً فِي تِكْرَارِهَا فِي صَلَةِ اللَّيْلِ حَتَّى كَانَ رُكُعُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ. Proche de sa position debout. عَلَى كُلِّ حَالٍ. ويدل على هذا أنه ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل الركوع حتى يكون قريبا من القيام فدل ذلك أنه كان يكرر هذه اللفظة أكثر من 3 مرات في الركوع. Donc maintenant on s'attache à étudier la première formulation. On a dit que c'était quoi? C'est quoi la première formulation? Subhan Rabbi Akum Salam. Subhan Rabbi Al-Azim trois fois. Parfois, il le disait, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à le dire cinq fois, ou sept fois, ou plus que cela. Ceci est indiqué par le fait qu'il a été rapporté de manière authentique. Le hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parfois, allongé, je dis parfois, allongé l'inclination à tel point qu'elle soit proche du temps de la position debout. Ceci indique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le répétait donc plus que trois fois. Et ça, on va encore voir plus en détail au niveau de l'allongement à la fin du cours. Il va terminer là-dessus, Cheikh Bazmoul Hafidahullah Ta'ala. La deuxième formule rapportée, après quoi on a dit Subhan Rabbi al-Azim trois fois. Eh bien, Cheikh nous dit As-sifatu thaniya al-warida, Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi. Ay, unazzihu Allah azza wa jal, an kulli aibin wa naqs, wa bihamdi. Ay, unazzihu Allah min kulli aibin wa min kulli naqsin, fi hali kawni hamidan illa azza wa jal. Hein, et ça, je vous demande de prêter attention à ça, parce que c'est important de savoir ce qu'on dit. Quand on fait des invocations, ben c'est ça l'avantage de faire ce genre de cours, c'est de prier correctement et de savoir ce qu'on dit, et peut-être avec ça qu'on obtienne al-khushu'a, hein, et qu'on augmente notre prière en degré. Wa fi hali kawni multasiqan bihamdihi subhanahu wa ta'ala muthniyan alayhi. La deuxième formule rapportée, Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdih, c'est-à-dire, j'exempte Allah de tout défaut, imperfection et de toute diminution, déficience. Wa bihamdih, c'est-à-dire, j'exempte Allah de toute imperfection et de toute déficience alors que je fais sa louange. Wa bihamdih. La troisième formule, As-sifatu al-thalithatu, annahu kana yaqulu, sallallahu alayhi wa sallam, subbuhun, quddusun, رب الملائكة والروح والسبوح هو الذي يتنزه عن كل نقص وسوء والقدوس يعني المبارك المبارك وقيل الطاهر المبارك وقيل الطاهر والأرض المقدسة يعني الأرض الطاهرة المباركة وقيل سبوح قدوس أي الذي تلهج الألسنة بتسبيحه يعني تنزيهه عن كل نقص وعيب وتقديسه أي بإضافة البركة إليه سبحانه وتعالى. Traduit déjà ce passage là. Troisième formulation, il disait سبوح قدوس رب الملائكة والروح. السبوح, c'est celui qu'on exempte de toute imperfection et de toute déficience. القدوس, hein, vous retrouvez d'ailleurs dans السبوح, vous trouvez quoi le تسبيح. والقدوس, المبارك, c'est celui qui bénit, il a été dit aussi le pur. L'ard ou al-muqaddasa, c'est-à-dire la terre pure et bénie. Il a aussi été dit que subbuhun quddusun, c'est-à-dire celui au sujet duquel les langues font constamment le tesbih, tel haju bi tesbihihi, c'est-à-dire l'exemption qu'on a dit tesbih et tanzih, l'exemption de toute imperfection et de toute déficience. Et en faisant son taqdis, c'est-à-dire en lui attribuant la bénédiction, c'est-à-dire que c'est Allah qui donne la bénédiction qui, hein, le baraka. Rabbul malaikati wal ruh. Al malaikatu khalqun khalaqahum Allah min nur kama akhbarah ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wal ruh, hein, parce que vous posez peut-être la question, Rabbul malaikati wal ruh. Alors al malaika wal ruh. Pourquoi c'est al malaika wal ruh? Eh bien, c'est la réponse, elle est ici, qila huwa Jibril alayhi salam. وقيل هو ملك من الملائكة غير جبريل وعليه فيكون قوله هو الروح من باب العطف الخاص على العام وفيه تعظيم هذا الملك وهو الروح من بين سائر الملائكة وتخصيصه بمزيد من الفضل وهذا يوضح أنه جبريل عليه الصلاة والسلام عند بعض أهل العلم. La quatrième formule, pardon, je termine celle-là d'abord. Rabbul Malaikati wal Ruh, les anges sont des créatures qu'Allah a créées à partir de lumière, comme on a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Ruh, il a été rapporté que c'est Gabriel, Jibril alayhi salam. Il a aussi été dit que c'est un autre ange parmi les anges que Jibril. Sa parole est donc Ar-Ruh est de l'ordre de la conjonction du spécifique au général. Parce que Jibril, c'est un ange. Pourquoi on dit Rabbul Malaikati wal Ruh? Ben c'est pour faire une conjonction du spécifique sur le général, parce que d'un ange par rapport à la généralité des anges. Bien pourquoi? Mais comme on va le voir, c'est pour montrer une spécificité dans la préscience de Jibril alayhi salam. C'est chez certains savants. On a dit quoi? Et Ar-Ruh est de l'ordre de la conjonction du spécifique au général, et il y a là une glorification de cet ange qui est Ar-Ruh, parmi les anges, et qu'il a une préscience spécifique. Ceci met en évidence que c'est l'ange Gabriel pour certains savants. La quatrième formule. الصفة الرابعة أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن معنى يتأول القرآن أي يعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى به وفيه إشارة إلى ما جاء به في سورة النصر وذلك أن الله عز وجل يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فويسي فسبح بحمد ربك إنه كان توابا كيس كي جدي مو أوكي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا جزاك الله خيرا. فأمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا فتأول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وصار يقول في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك وي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. Donc cette quatrième formulation ici, سبحان اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. Il disait, il répétait de nombreuses fois dans son inclination et dans sa prosternation عليه الصلاة والسلام, et ce en mise en application du Coran. كان يتأول القرآن. يتأول القرآن, c'est-à-dire, il mettait en application ce que Allah lui a ordonné, عليه الصلاة والسلام. Il y a en cela une indication de ce qui a été dit dans Surat al-Nasr, dont la traduction du sens des versets est « Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon. » car c'est lui le grand accueillant du repentir. Allah subhanahu wa ta'ala a donc ordonné cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Et vous voyez, regardez la doua, comment elle applique de manière précise le verset ici. Regardez. Fasabbih subhana rabbi. Et après quoi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Et pardonne-moi, Allah. D'accord? Cinquième formule, الصفات الخامسة. أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. Et dans une autre riwaya, une autre version du hadith, عظامي, c'est le pluriel de عظمي, وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هذه الصيغة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها في الركوع. أنت ربي خشع لك سمعي وبصري. أي سكن واستقر وخضع لك يا الله سمعي. Vous enlevez la hamzat al-qat ici. C'est une erreur. Allah. سمعي وبصري فما عدت أبصر إلا ما أحللت ما أحللت لي عفوا أن أبصره وأبصره وما عدت أسمع بأذني إلا أو أذني إلا ما أحللت لي أن أسمعه فلا أمد بصري ولا سمعي إلا فيما أحللته لي ومخي وعظمي أي ما خلقت لي من المخ والعظم فأنا يا رب أصرفه في عبادتك لك وحدك دون من سواك والمخ هو قوة العظم التي تكون فيه وكذا قوله عظامي وعصبي وما استقلت به قدمي أي ما حملت قدمي أو ما ارتفع على قدمي فأنا يا رب أصرفه لك وحدك دون من سواك. Donc cette cinquième formule, il disait alayhi salatu wassalam, Allahumma laka raka'atu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, anta rabbi, khasha'a laka sam'i, wa basari, wa mukhi, wa azmi, dans notre version comme on l'a déjà dit, wa idami, wa asabi, wa mastaqallat bihi qadami, lillahi rabbil alamin. Cette formule, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la disait dans l'inclination, le recours. Anta rabbi, khasha'a laka sam'i wa basari. C'est-à-dire, oh Allah, ma vue et mon ouïe sont soumises à toi. Et je ne regarde plus que ce que tu m'as rendu licite de regarder. Et je n'écoute plus que ce que tu m'as rendu licite d'écouter. Wa mukhi wa 'azmi, c'est-à-dire ce que tu m'as créé comme moelle et os, eh bien moi, ô Seigneur, je les utilise dans mon adoration de toi seul, sans adorer autre que toi. Al-mukh, hein, c'est si vous voulez la force de l'os, la moelle, hein, quwwatul 'azm, elle est takunu fi, comme l'a dit le cheikh, qui est dans l'os, qui takunu fi al-'azm. Et il dit aussi mes os et mes nerfs et tout ce que portent mes pieds, c'est-à-dire ce que portent mes pieds ou est plus haut que mes pieds, eh bien j'utilise tout cela dans mon adoration de toi seul, sans adorer autre que toi. Vous voyez l'importance de ce genre de doa et le sens profond de ce genre d'invocation. Sixième formulation d'adhkar rukou, des invocations et des formules de rappel dans l'inclination. الصفة السادسة أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. D'accord. On l'a déjà traduite parce qu'il explique pas le shir, donc on va laisser cela, on l'a traduit dans le matn déjà. Septième, vous voyez qu'elle est très proche d'ailleurs de celle qui était juste avant, d'accord ? Vous revenez à l'explication de ça. Septième formulation. الصفة السابعة أن كان يقول صلى الله عليه وسلم سبحان ذي الجبروت والملكوت. الجبروت يعني القاهر فهو سبحانه القاهر فوق عباده. والملكوت هو سبحانه وتعالى المالك المتصرف في كل شيء، أي صاحب القهر والتصرف والمالك في كل شيء والكبرياء والعظمة. وهذا قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل. Regardez cette règle, mémorisez-la. Si vous prenez vous vous rappelez hier quand on parlait avec Abu Hakim des dawabit fiqhiyya, des qawaid fiqhiyya, des usul fiqhiyya, là vous en avez une ici. C'est quoi? والأصل أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة يجوز في صلاة الفرض. وهنا مسألة. La مسألة on la laisse pour après, inshallah. On traduit déjà ce point-là, inshallah. La septième formulation. Il disait سبحان ذي الجبروت والملكوت. Al-Jabarut, celui qui détient la toute-puissance au-dessus de ses serviteurs. Et encore une fois, je répète, c'est une traduction approximative du sens. Al-Malakut, celui qui détient la royauté extrême qui dispose de tout. C'est-à-dire, celui qui détient la toute-puissance et l'extrême royauté et dispose de toutes choses et qui détient l'orgueil et la majesté, subhanahu wa ta'ala. Il a dit ceci, alayhi salatu wassalam, dans la prière nocturne. Hein ? La base, maintenant, il y a peut-être des frères ou des sœurs qui vont se poser la question. D'accord, il a dit dans la prière nocturne. Alors, est-ce que maintenant, est-ce qu'on peut le dire dans la Farida ou pas ? Eh bien, cher, il rapporte une règle. Et je vous demande de la retenir, peut-être même de l'écrire, parce que c'est une règle importante. La base, l'asl, est que ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans les prières surrogatoires est permis dans les cinq, c'est ça qu'il faut comprendre ici, prières prescrites obligatoires. Ça va ? Essayez de la retenir peut-être en arabe. Hein ? Wal-aslu anna ma qalahu rasul sallallahu alayhi wa sallam fi... صلاة النافلة يجوز في صلاة الفرض. Facile à retenir, hein? Alors maintenant, chéri, dit un point intéressant. وَهُنَا مَسْأَلَ. Évidemment, une question. On en a vu sept ici des formulations. Qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question? Hein, vas-y. Ouais, vas-y, continue dans ton raisonnement, c'est pas mal ça. Hein? Est-ce qu'on peut dire les sept en même temps? Tu as le droit de choisir hein, de celle que tu veux. Et comme on a dit, en changeant, tu pratiques différentes sunnans déjà. Et aussi, comme on a dit, tu arrives, pour le khushu, c'est bien. D'accord ? Même question qu'on pourrait se poser, que des gens pourraient se poser, c'est quoi ? Est-ce qu'on a le droit de les dire tout en même temps ? La réponse, elle est là, Inch'Allah. هنا مسألة هل يسرع للمسلم أن يجمع هذه الصيغ كلها فيقولها في الركوع يعني إذا صلى الصلاة وركع يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، ثم يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وغيرها معها. هل يشرع له أن يجمع هذه الصيغ في الركوع الواحد؟ La réponse est quoi que vous dites vous? Je vous ai pris de cours là. Il y en a qui disent Allah alim, c'est déjà bien. Hein? Tu dis oui toi. Qui dit non? Eh bien, il y a des savants qui disent oui, des savants qui disent non. Cheikh Bezmoul, il va dire que le Qawl Rajih, c'est non. On va expliquer ça, Inch'Allah. Ce n'est pas pour vous tester, hein, ce n'est pas pour vous mettre à l'aise, c'est pour un peu susciter l'intérêt. Et le, hein, hein, d'accord, hein, on est d'accord. Hein, hein. Ce n'est pas pour vous mettre à l'aise, à mal à l'aise du tout. Hein, que ce soit clair. Al-Jawab, qala bihada ba'du ahli al-ilmi, wa al-zahir. Hein, donc, tu n'as pas tout à fait tort. Wallahu a'lam anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lam yakun yajma'u hadhihi as-siyagh fi ruku'in wahidin. Wa idha arada al-muslimu an ya'tiya bis-sunnah, fa ya'ti bi-sighatin fi ruku' wa fi ruku'in akhar ya'ti bi-sighatin ukhra wa fi ruku' ya'ti akhar ya'ti bi-sighatin ukhra. Hadhihi as-sunnah wa huwa dhahir an-nusus al-waridah, fa innahu lam ya'ti fi nass min an-nusus anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam jama'a هذه الصيغة والأذكار في ركوع واحد إنما كان مرة يقول هذا ومرة يقول هذا. Alors il y a un point comme on a dit ici qu'on voulait discuter, c'est quoi? Est-il légiféré pour le musulman de dire, de regrouper toutes les formulations et de les dire toutes dans l'inclination, c'est-à-dire en fait dans un recours. C'est ça qu'il faut comprendre ici. C'est-à-dire de dire lorsqu'il s'incline dans la prière, dans le recours, que tu dises « Subhan Rabbi al-Azim » trois fois. Puis que tu dises « Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdih » trois fois. Puis que tu dises « Subbuhun quddusun rabbul malaikati wal ruh » puis de dire « Subhanak Allahumma wa bihamdik, Allahumma ghafir li » et d'autres formulations encore avec. Est-il légiféré, il répète la question le cheikh, de regrouper toutes ces formulations dans une seule inclination, dans un seul recours? Eh bien la réponse est la suivante. Certains parmi les gens de science l'ont dit. C'est-à-dire quoi? Ils ont dit oui. Mais ce qui est apparent, et Allah est le plus savant, est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne regroupait ces formulations dans une seule inclination. Il ne regroupait pas ces formulations dans une seule inclination. Hein? On aura pris du fiqh hein, ce week-end après la Jil Sayyar avec Abou Hakim jusqu'à 1h du matin. Hein? À regarder dans le Mourni, etc. Et puis là, hein? Vous voyez, quand il y a beaucoup de fawaïd dans les Jil. Moi, je vous appelle, Annie, les frères et les sœurs, à vous asseoir et ouvrir les livres des chouyours. Ce n'est pas de parler de nous-mêmes, hein? C'est juste, Annie, de Mis'ala, voilà, on étudie un point dans le fiqh, un point dans l'aqida, etc. Hein? C'est autour de ça que se retrouvent les gens de la sunna. Et vous avez vu hier l'avantage, on était beaucoup de frères, on était, hein, la mektabal était immense. Hein, et on était là jusqu'à 1h du matin, si ce n'était pas la fatigue, je crois, je pense qu'on était, on serait peut-être resté jusqu'à l'Fajr, d'accord? Donc, alhamdoulilah, qu'Allah Azzawajal nous permette d'assister à ce genre d'assises, à ce genre d'assises de science. Et on demande à Allah Azzawajal qu'il nous augmente en cela et qu'il nous donne la sincérité lors de ces assises et de la quête, dans la quête de la science. On revient sur ce point-là, parce qu'il est important. C'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne regroupait pas ses formulations dans une seule inclination. Et si le musulman veut faire la sunna, il dit une formulation dans une inclination, puis dit une autre dans une autre inclination. Et dans une autre inclination, une autre formulation, et ainsi de suite. C'est cela la sunna. Et c'est cela qui est apparent dans les textes rapportés. Car il n'a été rapporté dans aucun texte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait regroupé ses différentes formulations dans une seule inclination. Mais il disait, alayhi salatu wassalam, une fois l'une et une fois une autre. Alors maintenant, cher, il continue à discuter ce point-là. Il rapporte quelque chose d'intéressant et il dit, hafidahullah, qu'Allah le récompense et le préserve. Il dit, « Qala fi nuzul al-abrar, as-safha al-rabi'a wa thamanin, qala fi al-adhkar, wa al-afdalu an yajma'a bayna hadhihi al-adhkar kulliha in tamakkan. Wa kadha yanbaghi an yaf'ala fi adhkari jami' al-abwab, intaha kalamuhu. » Qultu ay Siddiq Hassan Khan, on a déjà parlé de ce grand savant indien qui a vécu à peu près il y a 300 ans à peu près, vous corrigez ainsi, je me trompe, à peu près 300 ans, et qui écrit notamment Durr al-Bahiyya, et qui a écrit d'autres livres, qui a écrit notamment Abjad al-Ulum, qui est un dictionnaire de toutes les sciences et des livres, etc. Et Sidi Hassan Khan, c'est un savant indien. J'en ai parlé déjà dans la Dora l'année passée, quand j'avais dit qu'il était marié avec, il était marié avec la princesse de Baobab. Hein? D'accord ? Donc c'est un savant indien. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a expliqué un de ses livres, que vous avez peut-être à la maison, qui est en trois volumes, qui s'appelle At-Ta'liqat al-Radiyya. Ala al-Rawda al-Nadiyya, voilà, c'est ça, al-Rawda al-Nadiyya. C'est ça le livre de Sidi Hassan Khan. Hein? Voilà, exactement. Voilà, c'est parce qu'on parlait de Durr al-Bahiyya hier, c'est pour ça que je me suis... Hein? C'est ça, c'est At-Ta'liqat al-Radiyya ala al-Rawda al-Nadiyya. Donc al-Rawda al-Nadiyya, c'est ça de Sidi Hassan Khan. Et Cheikh Al-Albani l'a expliqué en trois volumes et il ne l'a pas fini, rahimahullah. Si je me souviens bien, il s'est arrêté au chapitre concernant le siyam. Hein? Ouais, c'est dans le fiqh. D'accord? C'est un livre que je vous recommande beaucoup. J'avais fait à l'époque tout le premier volume. Wallah, yani, c'est un livre, il y a beaucoup de fawaïd dedans. Mais on peut en discuter après le cours, inchallah, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Siddiq Hassan Khan. Ya'ati marratan bitilka wa bitilka okhra. Voilà, Ara, c'est toujours Siddiq Hassan Khan qui parle ici. Voilà, Ara, dalilan ala al-jama'. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yajma'uha fi ruknin wahidin. Vous voyez ce qu'il a dit Siddiq Hassan Khan, rahimahullah. Bal yaqulu hadha marratan wa hadha marratan. Wa l'ittiba'u khayrun min al-ibtida'. Intaha kalam Siddiq Hassan Khan, rahimahullah. Donc il a été dit dans Nuzul al-Abrar, page 84, il a dit dans les formulations de rappel. Et ce qui est de mieux, c'est qu'il regroupe toutes ces formulations s'il peut. Et il convient qu'il fasse cela dans tous les registres, dans tous les chapitres, si vous voulez. Hein? Fin de citation. Donc ça, c'est quoi? Ça va dans la vie qui dit qu'on peut. On est d'accord. Je dis, maintenant c'est Sidiq Hassan Khan qui parle, rahimahullah, une fois, il dit celle-ci, une fois, il dit l'autre. Et je ne vois aucune preuve sur le regroupement, ce qu'il faut comprendre ici, le regroupement de ces formulations dans une inclination. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne les regroupait pas dans un seul pilier, mais de plus disait une fois celle-ci et une autre fois celle-là. Et le suivi est meilleur que le fait d'innover. Fin de citation. Alors maintenant, chérie, il continue à discuter ce point-là. Zallahu khairan. Fa'in qila. Et ça répond à ta question, hein, de manière détaillée. Fa'in qila. Mada nasna'u fima ja'a fil ahadith. أنه يشرع أن يطيل الإنسان ركوعه وإذا قلنا بإطالة الركوع وأنه لا يقول إلا بصيغة واحدة معنى هذه أنه لا يقولها إلا ثلاث مرات سبحان ربي العظيم ثلاثا الجواب نقول الركوع من أماكن الدعاء في الصلاة فإن أماكن الدعاء في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس في آخر الصلاة هذه مواطن الدعاء داخل الصلاة فإذا قال المصلي الذكر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع له أن يشغل باقي الوقت بالدعاء أو أن يكرر نفس صيغة الذكر التي اختارها فإن أطال المسلم الركوع وجمع هذه الصيغ فيه فإن عمله هذا غير مشروع ولكنه جائز مع الكراهة والدليل على الجواز أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا تعظيم الله في الركوع فمن أتى بهذه الصيغ فقد عظم الرب سبحانه وتعالى. Vous voyez que c'est très intéressant et je suis content parce que je vois qu'en général, alhamdoulillah, beaucoup de frères commencent ou en tout cas augmentent dans leur intérêt du fiqh et qui trouvent ça intéressant. Et c'est vrai que quand on commence à lire et qu'on commence à s'habituer un peu au silah des ulama, etc., ça commence à devenir un peu technique et ça commence à devenir intéressant. Hein? On a dit quoi ici? On parle maintenant, toujours de ce point-là, du fait, on parle en fait de l'allongement maintenant ici. Si quelqu'un dit, que fait-on de ce qui a été rapporté dans les hadiths, qu'il est légiféré que l'individu allonge son inclinaison, ou son inclination? Et que si on dit d'allonger l'inclination, et qu'on ne doit dire qu'une formulation, comme on a déjà dit précédemment, le sens de cela est de dire qu'il ne dise que trois fois, par exemple, « Subhan Rabbi al-Azim ». Alors comment est-ce que le recours va être long et qu'on dise, en fait, ça qu'il faut comprendre ici, et qu'on dise que trois fois, Subhan Rabbi al-Azim. Alaykum salam wa rahmatullah. La réponse est de dire que l'inclination est l'un des moments d'invocation de dua dans la prière Car les moments en droit d'invocation dans la prière sont, et retenez-les, dans le ruku, l'inclination, dans le sujoud, la prosternation, et dans l'assise entre les deux prosternations, ce qu'on appelle en arabe al-jilsa ou bien al-jilsa ben al-sajdatayn. Et lors de l'assise à la fin de la prière. Ce sont les moments d'invocation dans la prière. Donc si celui qui est pris dès la formule de rappel, dhikr, rapporté du messager d'Allah dans une inclination, il lui est permis d'occuper le reste du temps en invoquant ou en répétant la même formulation de rappel qu'il a choisi. Alors là, hein, je crois que tu as ta réponse. Hein, c'est bon, c'est réglé. D'accord ? Donc, et toi, tu vois, qu'est-ce que tu as, c'est juste que tu as dit qu'il a choisi. C'est ça qu'il a dit. La tirtaraha. Qu'il a choisi. Donc, c'est-à-dire que tu peux choisir. Hein? Tandis que si la personne qui prie allonge l'inclination et regroupe dans l'inclination les différentes formulations, cette action de sa part n'est pas légiférée. Mais c'est autorisé. Mais la différence. Vous allez vous dire, mais pourquoi alors? Ben, la réponse, elle arrive. Hein? Mais c'est autorisé en sachant que c'est makruh, détestable. Et la preuve de la permission, vous voyez, cher, comment hein, il a dit lui-même que c'est une sunna de fait de dire un genre. Mais il dit c'est permis et il donne la preuve de la permission. Et la preuve de la permission est que le messager d'Allah sallallahu alayhi nous a demandé de glorifier Allah dans l'inclination. Celui donc qui regroupe ces formulations aura certes glorifié le Seigneur. والله أعلم وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.